Les dépravés, chapitre 22. Cependant, Mathusem, n'entendant parler de rien, se dirigea vers la rue Louis-le-Grand, ayant à son bras Léocadie, prête à appuyer les réclamations de son père. Le délai fixé pour le voyage de M. Max est périmé, dit-il. Pourquoi n'est-il pas ici? Je commence à soupçonner qu'on s'est moqué de nous jusqu'à présent. Vous voulez me mener en bateau, comme nous disons dans les prisons? Et je n'aime pas bien qu'on me mène en bateau. Monsieur Max aurait mieux fait d'avouer tout de suite qu'il n'avait pas l'intention de m'épouser, ajouta Léocadie, sans plus d'amour-propre. La loi, reprit son père, n'accorde plus au gouvernement qu'un mois et demi pour décréter les élections à faire. D'un jour à l'autre, la date peut en être fixée officiellement. J'ai lu Le Siècle, qui croit pouvoir assurer qu'elles auront lieu le 25 du mois prochain, c'est-à-dire dans 5 semaines. Dame, vous savez, vous n'êtes pas éligible. Dans toute autre circonstance, Mousolo aurait bondi devant cette grossière menace sous condition. Mais la vie politique est un conservatoire de couleuvres qu'on a toujours quelques prétextes pour avaler sans grimace. On se dit, ce n'est pour moi que je travaille, c'est pour la patrie. Et le tour est fait. Mousolo offrit en holocauste à ses électeurs tous les propos blessants que lui adressa Mathusem. Une demi-heure durant, et tous les souvenirs répugnants que le vieux bimbelotier remit sur le tapis avec autant de crudité que si Léocadie n'avait pas été là. Elle parut du reste peu surprise, et il resta acquis pour le docteur qu'on avait discuté 20 fois en sa présence, l'incident qui l'enfermait, sans qu'il pût en sortir, dans les mains de Mathusem. Ouzolo se contenta, pour toute réplique, de montrer la lettre de Frédéric, accusant l'impossibilité où était Max de songer actuellement au retour. « Mais je vais insister, ajouta-t-il, et faire savoir là-bas qu'on est à me ramener mon fils, mort ou vif. » La conférence se termina par ces mots de Mathusem, lesquels n'admettaient aucun nouvel atermoiement. « Enfin, vous avez 5 semaines. » Le docteur savait que le gouvernement reculer volontiers le quart d'heure de Rabelais et qu'il ne se résigne à convoquer le peuple dans ses comices que quand il devenait matériellement impossible d'agir autrement. Il n'en adressa pas moins lettre sur lettre et télégramme sur télégramme à l'hôtel français qui ne lui retournait aucune réponse. « Mon fils se sera mis en route pour revenir et il voyage la petite journée », fut la probabilité à laquelle il s'arrêta. Bien qu'il se demandât par quelle négligence Max ne l'avait pas avisé de son retour. 2, 3, 4, 5 semaines se succédèrent, dans la même attente et le même silence. Le docteur, inquiet pour Max, inquiet aussi pour lui, frissonnait en ouvrant tous les matins le moniteur, à l'idée d'y voir annoncer la prochaine ouverture de la période électorale. Le spectre de Mathusem se dressait devant lui, avec des proportions gigantesque. Un éclat de la part de cet homme était imminent et il serait irréparable. Le cauchemar de l'inquiétude tournait à la fantasmagorie. Le docteur entrait dans sa 6e semaine d'ignorance et d'inquiétude et était convenu avec lui-même de partir à la recherche de son fils, s'il restait 8 jours encore sans nouvelles. Lorsqu'il reçut enfin une lettre datée de Rome avec cette adresse tracé d'une main magistrale sur une enveloppe de grande dimension. « Il signore Ouzolo, medico, via Louis le Grand, 23, Parigi. » La missive était écrite en italien. Le docteur ne parlait pas ce dialecte, mais il n'eut pas de peine, en s'aidant de ses humanités, à assembler au milieu d'un fouillis de phrases parasites les 3 ou 4 lignes auxquelles se réduit sous tes lettres, si longues soient-elles. « Nous avons eu, disait celle-ci, la douleur de perdre, le 16 du courant, M. Maximilien Ouzolo, votre fils, mort à la suite d'une courte et subite paralysie du cerveau, avec les secours de mon saint ministère, et consolé par les soins touchants et les pieuses exhortations de Madame la Comtesse Pizareff, la noble amie de votre famille. Le défunt a été provisoirement déposé dans le caveau du couvent des Minimes, jusqu'à ce que vous ayez manifesté vos intentions touchant la transaction de ces précieux restes. » Ce sinistre avis était noyé dans un océan de sentences empruntés à la langue illustrée par Cicéron, mais devant lequel le styliste antique aurait eu le droit de s'écrier « et eux, bassa latinista !» Le tout signé Aniceto Vescovo di Sumatra, évêque de Sumatra, via di Santo Pietro, Roma. Le désespoir, stupéfait où tomba le docteur Rousselot à cette lecture, fut encore aggravé par ce soupçon que le déploiement d'intrigues provoquées par ces fureurs ambitieuses n'était pas étranger à cette mort si rapide et si incompréhensible. Il se sentit moins affligé comme un père qui vient de perdre son fils unique, qu'effrayé comme un malfaiteur qui vient de faire un mauvais coup. Il essaya de se raidir, il voulut marcher un peu, ses jambes tremblaient sous lui. « Allons, dit-il, soyons hommes, je ne puis pas écrire à cette femme, je vais répondre à ce prêtre. » Il commença trois lettres, dont il ne put mener une seule plus loin que la seconde ligne, et qui se fondirent toutes trois dans cette dépêche laconique adressé à l'évêque Aniceto, prière de m'envoyer le corps de mon fils. Fin.